que le bonheur c'est pour demain. Pourtant personne n'est content. Des milliers de manifestants, allez Dominique, va-t'en. Nico pourrait être rigolo s'il était en vidéo, mi Le Funès, mi Colombo, peut-être même un peu charlot. Mais ce qu'il fait n'est pas marrant, car en prison il met les gens. Les policiers, il y en a partout, allez Nico, laisse-nous. Jacques pourrait être sympa, il boit de la bière un peu comme moi, ça l'envoie là, malgré tout ça, bah j'en ferai pas un pas de moi. Pourquoi certains pour trois fois rien se retrouvent trop jusqu'à crever, alors que lui le pire va rien, ça coule 12 ans son palais. La France est mal portante.